Tous les mercredis de 18h à 20h, retrouvez Hot Rod avec Jackal, l'émission qui explore les 70s sur Radio Web Passion. Vas-y, bah si, je sais pas. Attends, c'est ça, parce que les enfants, ils ont un truc, ils me dans le cul, hein. Ça va pas être long, hein, parce que moi, j'aime pas des ragus. Le problème, c'est emmerdé, par exemple. Ah, j'ai volé deux pédos, là. Il doit avoir juste plein de brins que j'ai, les pédos. Allez, les pédos, derrière. Bah non, non, elle est pas d'accord, hein. Ah, c'est ça, c'est pas long, hein, parce que t'as foutu un truc, le poids dans les yeux, tu vas, t'avais été craqué. Je vois les corvées, d'accord. Bon, hein. Salut les affreuses, les affreux, bienvenue sur Radio Web Passion. Il est 18h, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rods, 2 heures de pur son 70s en compagnie de Jaka jusqu'à 20h. Alors on attache sa ceinture, on passe la première et on accélère. I got all my cousins. Le rock progressif joue les prolongations de Hot Rod tout le mois de mai. Family, une formation de rock progressif donc originaire de Leicester en Angleterre, formée en 1966, une très très grande année, et qui a jamais accédé à la consécration mondiale, probablement à cause de ses incessants changements de personnel, mais qui tiendra un succès considérable au Royaume-Uni, dû notamment aux performances vocales de son chanteur Roger Chapman et de son jeu de scène très violent. John the Revelator, who is that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Now who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Now, now God come down in the heat of the day, called Adam by his name. But he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Now across the 12 apostles, three called away. Said, watch with me 1 hour while I go yonder and pray. Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals now. Came down on the Easter morning, Mary Martha was there to see. Go tell my disciples to meet me on Calvary. Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Petit démarrage en douceur avec Andy Robert, un guitariste, auteur, compositeur britannique qui nous interprétait John the Revelators, un titre extrait de son album solo Homegrown, paru en 1970 sur le label RCA. 2 ans plus tard, Andy Robert formera le groupe de rock folk Plainsong en compagnie de Ian Matthews. On reste en 1970 avec Crosby, Steele, Nash & Young. Le titre c'est Woodstock, c'est extrait de l'album Déjà Vu. Tell me, where are you going, Mr. Cole? Reste cool, écoute Hot Rod. Je pense que celle-là, on la présente plus. Hey Joe, une chanson américaine populaire des années 60 qui est devenue un standard du rock, notamment après cette version signée Jimi Hendrix. Généralement attribuée à Billy Roberts, son auteur véritable est inconnu. Il apparaît pour la première fois en 45 tours en 1965, interprété par un groupe californien, Voilà, cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui a tiré sur sa femme. Various and sundry categories from America, dedicated to a friend of mine named Barry Friedman. This is a little song of mine that I just call Hey Joe. Money in your hand. Hey Joe, where you going with your money in your hand? I'm chasing my woman, she ran off with another man. I'll buy me a pistol and kill her before I'm through. I'm going downtown and buy me a 44. I'm going downtown and I'll buy me a 44. When I get through, that woman, she won't run no more. Hey Joe, I heard you shot your woman dead. Hey Joe, I heard you shot your woman dead. Yes, I did, I got both of them lying in that bed. Hey Joe, where do you think you'll go? Hey Joe, where do you think you'll go? I'm leaving here, I think I'll go to Mexico. Yes, I'm going, going where I can be free. Yes, I'm a-going, going where I can be free. Ain't no hangman gonna put no noose on me. Ça, c'était le tout premier enregistrement de la chanson Hey Joe, jamais réalisée. Une démo enregistrée au domicile de Billy Roberts. Cette chanson a une histoire longue et compliquée en ce qui concerne sa paternité, mais c'est la première version absolue jamais enregistrée entre 1961 et 1962. Allez, on remet maintenant un petit peu les watts, direction la Californie avec White Riot et Slick Black Cadillac, un titre qui ouvre leur deuxième album paru en 1978. We'll be right back. c'est rapide, c'est puissant, c'est Hot Rod. Une bonne dose de hard rock avec Judas Priest, Running Ride, extrait de l'album Killing Machine, sorti en 1900, je sais pas noter, tant pis, c'est pas grave. On va débuter la French Touch ce soir avec Dynasty Crisis, un groupe qui marquera la pop et le rock français à l'aube des années 70 par quelques succès d'estime tels que Vivre Libre ou Fosse 721, ainsi qu'une chanson, Le Corbeau et le Renard. Ils produiront leur premier album en 1970, puis un deuxième en 1972 qui n'atteindra pas le succès commercial escompté. Leur label EMI leur demande de prendre le morceau Jezael, popularisé à l'époque par Madame Nicoletta. Cette reprise est un véritable succès qui se vend à 23 000 exemplaires. La même année, le groupe participe à la tournée Polnareff Evolution de Michel Polnareff, et assure aussi ses premières parties à l'Olympia entre le 6 et le 22 octobre 1972. En 1973, le groupe revient aux côtés de Polnareff pour sa tournée Polnareff à l'Olympia, puis en Outre-mer, sur l'île de la Réunion et à l'île Maurice, se retrouvant considéré par la presse comme le backing band de l'artiste. En 1973, Polnareff quitte le territoire français pour fuir le fisc, laissant ainsi Dynasty Crisis sans activité. Le groupe se sépare donc en 1974 après un dernier 45 tours intitulé J'ai brisé la chaîne sous le simple nom de Dynasty. Voilà. On enchaînera ensuite avec un 45 tours sorti en 1975, Superman Super Cool. C'est un single de Jacky Chalard. Jacky Chalard comme ça, ça dit rien, mais c'est l'ancien bassiste justement de Dynasty Crisis. Un truc assez dansant. Allez, c'est parti. Dynasty Crisis, réveille-toi. We'll be right back. C'est pour votre midi, vous êtes pour les vivants, vous. Vous êtes des courriers. Et vous faites sympathique. Et c'est Sabatier Pouget, Sabatier qui a trouvé le principe de la Goose. Non, c'est pas votre métier. C'est la vie, votre métier. Il y a les humains avec Benoît, avec lui, avec Yuri Gagarine. Et les croquements, la vie des croquements, c'est de mordre en orteil. Mais t'as l'air noir French. Je changerai de femme, c'est plus mort. On quitte la France, embarquement immédiat pour l'Australie. Départ pour un petit road trip en bécane dans l'outback australien. Ces plaines intarissables plantées d'acacias, d'arbustes ou de maigres broussailles. Du milieu de la nuit à l'acmé du jour, le thermomètre fait ici sa révolution chaque 12 heures, délaissant les abords du gel pour caracoler, souvent, au-delà des 40 degrés. L'horizon se perd dans la brume de chaleur. Les yeux fixés sur la route depuis des heures, le compteur défile kilomètre après kilomètre. Après quelques semaines de voyage, arrivé à Alice Springs, porte de l'Outback. Alice pour les intimes. Rissole sous le soleil, 300 jours par an, loin de tout et proche de rien, 690 km depuis Uluru via King Canyon et les West McDonnell Ranges, avec tout juste 128 km d'une large piste pour pimenter les choses. Si ça, c'est pas une bonne raison de faire une halte dans ce qui ressemble à un bar, le Todd's Tavern, tout un programme. Après avoir garé ta bécane, tu entres, tu t'assois, tu commandes une bonne grosse bière, un pur moment de bonheur. Tu fermes les yeux, et là, quelques minutes plus tard, un son de guitare vient te chatouiller les tympans. Oh, que c'est bon, tu te sens bien, tu te sens bien. Getting it on with you. du blues australien avec Lobby Lloyd, Feels Good. Allez, on reste en Italie, on reste en Australie, mais par contre, on remet les gaz. Hot Rod active les instincts primaires. Bob. soir, mademoiselle. Voulez-vous une promenade avec moi ce soir? Angels, un groupe de hard rock australien originaire d'Adélaïde. Ils se sont formés en 1974 et ont eu beaucoup de succès dans leur pays jusqu'à à peu près les années 1990. Ils sont connus à l'étranger sous le nom de Angel City pour ne pas être confondus avec un groupe américain du nom d'Angel. C'est la promotion de la semaine, deux titres pour le prix d'un, Ivory Stairs et Marseille. Voilà, ce qui nous a emmené tranquillement mais sûrement sur le dernier morceau de cette première heure, Locomotive, un groupe de rock progressif anglais, en 1970 avec le titre Rain, tiré de leur album We Are Everything You See. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de Hot Rods. Thank you. Tous les mercredis de 18h à 20h, retrouvez Hot Rods avec Jackal, l'émission qui explore les 70s sur Radio Web Passion. Les 4 et 5 mars 1975, Led Zeppelin donnait deux concerts au Dallas Convention Center, Memorial Auditorium à Dallas au Texas, qui furent enregistrés en soundboard. Unpressed Valley Supreme Disc, un label japonais de bootleg spécialisé dans les Led Zeppelin, nous permet de découvrir ce live avec un son plus que nickel. En 2003, grâce à la sortie d'une box set de 3 CD intitulée Chasing the Dragon, retraçant la soirée du 4 mars, et en 2011, avec la sortie d'une autre box set intitulée Days Confused, comprenant elle aussi 3 CD pour le show du 5 mars. Thank you. Nous sommes au Memorial Auditorium de Dallas en compagnie de Led Zeppelin le 5 mars 1975. Now I said good evening. Right, that's the sort of communication level that we intend to continue for about the next 3 hours. Une tournée qui débutera le 18 janvier 1975 pour se terminer le 27 mars 1975. Après une longue pause de 18 mois sans concert, Led Zepp repart en tournée au pays de l'Oncle Sam afin d'y promouvoir la future sortie de Physical Graffiti. Thank you. Une tournée qui avait bien mal commencé avec la blessure de Jimmy Page qui s'est cassé l'annulaire, ce qui l'a forcé à jouer sous analgésique, tout en développant une technique de jeu à trois doigts. De plus, Robert Plant souffre d'une mauvaise grippe, ce qui a eu pour effet d'affecter sa capacité à chanter. Wasted land, wasted land. Try my hands out. débuté par un warm-up à Rotterdam en Hollande et à Bruxelles en Belgique, respectivement le 11 et 12 janvier 1975. Il s'ensuivra une série de 36 dates à travers les États-Unis. Débuté le 18 janvier à Bloomington, il passera par les villes de Chicago, Indianapolis, Détroit, Pittsburgh, New York, Saint-Louis, Houston, Dallas, San Diego, Seattle. Le Canada et le Québec ne seront pas épargnés non plus, avec deux dates à Vancouver et à Montréal. Et la tournée se clôturera par trois soirées au Forum d'Inglewood, les 24, 25 et 27 mars 1975. Hers is gold, and she's buying the stairway to heaven. And when she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she can for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of us thoughts are misgiven. Do you know what I'm talking about, people? Yes. Ooh, yeah, baby, baby. stairway to heaven. Cette tournée sera l'occasion pour Led Zepp de jouer pour la première fois et de présenter au public américain des chansons issues de leur nouvel album Physical Graffiti, qui aurait dû paraître avant le début de la tournée, mais des retards dans la production feront qu'il ressortira le 24 février 1975 en plein milieu du tour. Dallas, Texas. Dallas, Texas. Dallas, Texas. Thank you very much. On behalf of Women's Weekly, we'd like to bid you good night. Thank you very much. I see you. You thought everything was big in Texas, but that takes some beating, right? Good evening. I said good evening. Why you? just trying to find her. I'm just trying to find her. Has anybody seen the bridge? Has anybody seen the bridge? Have you seen the bridge? Where's that confounded thing? Oh, Thank you. Thank you. John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page, and Fred Astaire. Voilà, c'était quelques morceaux choisis, extraits du bootleg Days Confused, un concert de Led Zeppelin enregistré le 5 mars 1975 au Memorial Auditorium de Dallas. Voilà, donc ça nous emmène tout doucement à la fin de l'émission. Il va être temps de fermer la boutique. Mais rassurez-vous, je serai de retour la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour encore 2 heures de pur son 70. D'ici là, portez-vous bien. On va se quitter avec un petit dernier pour la route. Ce sera Over the Hill and Far Away. Ce sera toujours extrait du même concert. C'est parti pour 8 minutes de bonheur en plus. Thank you very much for that applause. I'd like to bid you all good health. I'd like to bid myself good health too. Let's not get too atmospheric too quick. I mean, don't get too vibey too quick, you know. So anyway, this LP that we got together called Physical Graffiti, really the title representing one of the many facets of our leisure hours when we are traveling around the world or whatever. This is a track from it. It goes back to the roots of all music that English people took their notes from years and years ago. Tous les mercredis de 18h à 20h, retrouvez Hot Rods avec Jackal, l'émission qui explore les 70s sur Radio Web Passion.